Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 12. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 27 novembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es bière grenadine, tu es comme un ouragan, tu es palmier sur le rocher, tu es stade Louis II et tu es aussi plein aux as. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es principauté de Monaco. Samedi dernier à Monaco, sous les voûtes célestes de la cathédrale Saint-Charles, le cadet du clan Grimaldi est devenu Albert II, prince souverain du Rocher. Demain, 28 novembre, prince Albert devrait tenir une conférence de presse pour annoncer sa première mesure de politique internationale, à savoir se lancer sur les traces de son trisaïeul Albert Ier pour tenter de rejoindre en avril prochain le pôle Nord en chien de traîneau depuis la base russe de Bornéo. C'est bizarre pour un nouveau chef d'État, non? Mais alors c'est quoi exactement la principauté de Monaco? Eh bien, dans l'heure qui vient, alors que tout le monde se gèle en France, nous filons sur le rocher de Monaco pour te raconter la saga de la principauté. D'où viennent les Grimaldi? L'histoire d'une dynastie à notre sauce? Que c'est Jean-Luc Ettori de Monaco? Interview exclusive tout à l'heure. Ensuite, on te proposera une visite étrange et décalée de la ville rouge et blanche. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude ont souhaité se rendre à Monaco le week-end dernier pour être présents lors des cérémonies du sacre. Une seule mission? Tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi. All that pressure. Le Freak, c'est Chic, énorme tube disco du groupe Chic en 1978, parce que commencer une émission sur Monaco et les Grimaldi par le Freak, c'est chic. Alors, c'est quoi Monaco? Qui sont les Grimaldi? L'histoire de Monaco commence véritablement à Gênes au XIIIe siècle. À cette époque, deux familles se castagnent sec, les Gibelins, partisans de l'empereur, et les Guelfes, totales supporters du pape. En 1215, les Gibelins installent une forteresse sur le site de Monaco. C'est aujourd'hui encore la base du palais princier. Pour attirer des habitants, les premiers seigneurs offrent des terres et des exemptions de taxes, une belle habitude qui perdure encore aujourd'hui. Le 8 janvier 1297, un moine franciscain se pointe devant la forteresse de Monaco. On lui ouvre, un moine, c'est pas méchant, c'est même plutôt sympa, avec sa robe de bure et ses Birkenstock de touriste allemand. Sauf que là, ce n'est pas un moine, c'est François Grimaldi, allié des Guelfes qui, malin comme un croupier véreux, a trouvé une ruse pour rentrer dans la forteresse des Gibelins. Une fois dedans, François le Malicieux fait son warrior médiéval, déglingue quelques gardes et fait entrer ses hommes qui prennent la citadelle. Ce 8 janvier 1297 marque l'arrivée des Grimaldi à Monaco. Aujourd'hui encore, sur les armes de la principauté, de chaque côté du blason, tu peux voir des moines avec une épée qui rappelle la fourbasserie des Grimaldi pour rentrer à Monaco. La compagnie des carabiniers monégasques vient de nous interpréter l'hymne national de Monaco. Merci à eux. Depuis le XIIIe siècle, l'histoire de Monaco est une quête continuelle d'indépendance par rapport au royaume de France, d'Espagne ou de Sardaigne. À la fin du XIXe siècle et au XXe, Monaco se modernise. La souveraineté de la principauté est reconnue par la France et le prince Albert Ier promulgue une constitution. En outre, Monaco s'ouvre au tourisme de luxe en construisant hôtels et casinos et devient le symbole du luxe, mais aussi une plaque tournante de la finance internationale. En 1949, à la mort de Louis II, le prince Colabo, Régnier arrive au pouvoir. Régnier modernise la principauté et les institutions. Monaco entre à l'ONU en 1993. Mais de quel bord politique il était, Régnier, se demande Chancel. Dans notre République française, nous avons eu au cours de ces dernières années trois hommes. Il y a eu le général de Gaulle. Avez-vous été gaulliste, monseigneur? Non. Il y a eu Georges Pompidou. Avez-vous été pompidolien? Certainement pas, non. Il y a Giscard d'Estaing. Êtes-vous giscardien? Alors j'aurais tendance à être beaucoup plus giscardien que... Mais vous êtes prince d'abord, oui, oui. Giscardien ensuite. Et puis ça ne me concerne pas directement, et puis je ne suis pas appelé à voter. Mais je pense que le programme, la personnalité même du président Giscard d'Estaing est beaucoup plus attachante, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus dynamique. Il y a une volonté d'effort beaucoup, très nette, il y a quand même un abattage de travail considérable qui est admirable à mon avis. Ah, les accointances de l'aristocratie européenne. Sûr que Régnier, il aurait apprécié Galouzeau de Villepin. La vraie rupture dans l'histoire de Monaco a lieu en 1955. Une actrice, Grace Kelly, vient présenter le dernier film d'Hitchcock au Festival de Cannes, La main au collet. Elle est alors présentée à Régnier, c'est le coup de foudre. Un prince charmant sur un cheval blanc galopait dans mes rêves d'enfant. Dès que je dormais, je le retrouvais. Le prince dragouille l'actrice qui minaude un peu. Comme on est entre gens bien, on se fiance. Et Régnier part même aux States, dans la belle famille, écoute ce reportage Paris Inter de janvier 1956. Ici Pierre Clenès qui vous parle de New York. Les journalistes américains sont persuadés que celui qu'ils n'appellent plus maintenant que Votre Grâce avait des projets matrimoniaux bien arrêtés quand il est arrivé aux États-Unis le 16 décembre pour un séjour privé dont le but exact n'avait pas été dévoilé. En effet, Une semaine après son arrivée, le prince régné III de Monaco allait passer les fêtes de Noël dans la famille de Grace Kelly, à Philadelphie. Et c'est au cours de ce séjour que le prince a fait à M. John Braden Kelly sa demande en mariage. Le prince a offert à Grace Kelly une bague de rubis et de diamants, couleur de la principauté, et on peut bien penser que la bague devait se trouver dans les bagages princiers. Quelques mois après leur rencontre, le prince régné épouse en 1956 la belle actrice américaine appelée à régner. François Mitterrand, alors garde des Sceaux, représente la France au mariage. Toujours dans les bons plans, hein. La jet set internationale se presse à Monaco. L'actrice épouse le prince, un conte de fées qui se poursuit avec la naissance de Caroline en 1957 et surtout avec la naissance d'un héritier mâle en mars 1958. Régné en est tout ému. Monégasque et habitant de la principauté, vous vous doutez de mon émotion et de ma très grande joie en vous annonçant que la princesse, mon épouse bien-aimée, a donné le jour à un petit prince qui a reçu les noms de Albert, Alexandre, Louis, Pierre. Ce jour du 14 mars 1958 à 10h50. Un vrai conte de fées. Stéphanie, elle, naît en 65 et la principauté donne alors l'image rêvée d'amour, de gloire et de beauté. Le couple princier et leurs enfants font la une des magazines. Monaco est devenu incontournable dans la presse People et Paris Match devient la gazette de la cour. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Dans les années 60-70, Monaco devient l'archétype du romantisme neuneux parfumé à la guimauve qui fait rêver les adolescentes et leurs mamans jusqu'à ce soir tragique du 14 septembre 1982. Puisque ton cœur ne sera plus là. Et oui, vous venez d'entendre un extrait de la bande du film « Le train sifflera trois fois ». La princesse Grace est morte en effet hier soir vers 22h30 à l'hôpital de Monaco. Elle a succombé à une hémorragie cérébrale provoquée par l'accident dont elle avait été victime lundi dernier. Ce jour-là, en compagnie de sa fille cadette Stéphanie qui conduisait, elle avait quitté sa résidence de Rocagel près de la Turbie pour regagner la principauté. Le prince régné ne se remariera pas. À partir de la mort de Grace, la principauté connaît une période qu'on pourrait appeler sa part en vrille. Les frasques des filles de Monaco et le célibat prolongé d'Albert font les choux gras des paparazzi. Caroline se marie, Albert est discret, mais pour Stéphanie, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas vu les photos à scandale montrant Daniel Ducruet, le mari de Stéphanie de Monaco, faisant l'amour avec Philly, une stripteaseuse belge au bord d'une piscine. Vous ne les avez pas vus parce qu'aucun magazine français, ni Paris Match, ni Gala, ni Voici, ni France Dimanche, n'ont accepté de les publier. Question de morale, nous disent-ils. Mais ces photos, bien sûr, ont circulé chez les journalistes. Je peux vous dire que je les ai vues. C'est pas Jojo et c'est plutôt humiliant pour Stéphanie de Monaco. La décision annoncée par son avocat ce matin est donc logique. Stéphanie va divorcer. C'est sur ces nouvelles terribles que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. À demain, 19h. Bonsoir. La famille Grimaldi, qui donnait l'image du bonheur stable, chère à la presse People, sombre dans le scabreux. Mais bon, le malheur aussi, ça fait vendre. En 1990, le premier mari de Caroline, Stefano Casiraghi, meurt dans un accident de bateau. Albert est toujours célibataire et Stéphanie divorce Ducruet en 1996. Daniel, il s'est bien fait blouser dans l'histoire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue, malgré tout. C'est sûr qu'après le palais princier, la ferme célébrité, c'est beaucoup plus cheap. Après la mort de Grace, la famille est partie en vrille et l'image du bonheur a été remplacée par celle des frasques. Grace, c'est sûr, elle est vraiment partie trop jeune. Your brother. politicians. This time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. Too Young to Die, c'est ce que chante le petit prince du funk Jamiroquai en 1993. Trop jeune pour mourir, un titre qui résume bien le choc suite à la mort de Grace Kelly en 1982. Alors pour continuer notre voyage sur la corniche monégasque, après avoir détaillé l'histoire de la dynastie Grimaldi, il nous faut maintenant nous intéresser à ce qu'est aujourd'hui la principauté de Monaco. La jet set, les belles bagnoles, les yachts et les palaces constituent, avec la mafia russe, l'image populaire de Monaco. Mais avant toute chose, le rocher demeure encore aujourd'hui un paradis fiscal en or pour des milliardaires, pour des milliardaires en goguette. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune n'y existent pas. Du coup, on trouve également, sur ces 2 km², 4500 sociétés qui ont établi leur siège social, dont une cinquantaine d'établissements financiers pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros l'an passé. Et oui, quand tu aimes l'oseille, il faut se fier au bon sens monégasque. Pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Pour faire des affaires, faut savoir payer un pot. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Le problème, c'est que les privilèges, comme chacun sait, nourrissent en général l'arrogance et le mépris des autres. Et du coup, ces dernières années, certains résidents monégasques se sont crus tout permis, aussi bien chez eux qu'à l'étranger d'ailleurs. En principe, la musique adoucit les mœurs. Je dis en principe car il arrive aussi, quand elle est diffusée dans une discothèque, que la musique trouble la quiétude des voisins. Exemple au Kenya. Le mari de la princesse Caroline de Monaco, Ernst Auguste de Hanovre, tentait de se reposer, mais il a été dérangé par la musique qui provenait d'une discothèque. Il a donc été le dire au propriétaire de l'établissement, un Allemand comme lui, mais il l'a fait à sa manière, c'est-à-dire à coups de poing. Courageux, mais pas téméraire, son Altesse Royale était accompagnée d'une quinzaine d'hommes, ce qui lui vaut d'ailleurs le sobriquet non plus de prince consort, mais de prince de la baston. Allez, à demain. Sacré Ernst, toujours prêt pour un bon coup de boule royal. Cela dit, l'année 2005 se présente comme un tournant dans l'histoire de la principauté. Tout a commencé au printemps dernier par un événement attendu, le 6 avril exactement. La mort du prince Rainier ce matin, il avait 81 ans. Hospitalisé depuis 3 semaines, il souffrait de graves problèmes respiratoires. Il sera resté 56 ans à la tête de la principauté de Monaco. Après 56 ans de règne, prince Rainier a cassé sa pipe pour laisser place à son héritier, le prince Albert. Jusqu'alors, Albert patientait tranquillement. Il a fait tout plein de choses essentielles pour se préparer à son destin. En 1984, il devient le président du Yacht Club de Monaco. L'année suivante, il participe au Paris-Dakar. En 1992, il pilote un bobsleigh aux Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis, il a beaucoup pris l'avion, Albert, parce qu'il a un lourd secret, Albert. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie... J'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Son rêve a conduit Albert à donner un héritier au trône de Monaco. Il y a quelques mois, on a appris qu'il avait eu un fils en loose day avec une hôtesse de l'air. Mais bon, aujourd'hui, fini les conneries. Samedi dernier, Prince Albert est devenu Albert II de Monaco. Le moment le plus émouvant fut sans doute samedi matin sur la place du Palais Monégasque. L'étendard de Régnier III a été remplacé par celui d'Albert II au cours d'une prise d'armes commentée à la télévision française par un Frédéric Mitterrand très en forme et orchestrée par la voix de Robert Hossein. Cet emblème y a participé depuis 55 ans à toutes les fêtes nationales et événements marquants de la principauté de Monaco, va désormais rejoindre l'histoire de la dynastie des Grimaldi. Forte! Qu'il arrête de fumer, Robert, hein, il a la voix... Présenté! La distance de Frédéric Mitterrand, c'est toujours un bonheur. Juste avant, avait eu lieu une messe pontificale avec la bénédiction de Monseigneur Fortunato Baldelli, l'envoyé spécial de Ben XVI. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui encore, le catholicisme est la religion d'État de la principauté de Monaco. Ensuite, on a dîné chic et célébré l'intronisation lors d'une soirée de gala à l'Opéra de Monaco. Parmi les dignitaires invités, le représentant de la France, le garde des Sceaux Pascal Clément, il en a vu des trucs. Et il a fait le compte-rendu mercredi dernier au Conseil des ministres. J'ai vu des ducs, j'ai vu des princes, des barons, des comtes, des rois, des marquises à la taille mince qui dansaient au son des hautbois dans des châteaux pleins de lumière où les fêtes resplendissoient, où l'on chantait il pleut bergère dans le velours et dans la soie. Mais bon, malgré tous ces fastes un peu vieillots, laissons le temps à Albert II de s'installer sur son trône. Lors de ses discours officiels, Prince Albert a promis une principauté plus moderne, en phase avec son époque, moins opaque, ouverte sur le monde et surtout soucieuse d'éthique en matière de finances. Nous verrons bien si le nouveau souverain est un aristocrate éclairé. Alors pour enrichir notre regard sur le Monaco contemporain, nous avons joint cette semaine au téléphone un joueur historique et symbolique du club de foot de Monaco, celui qui a gardé les buts de Monaco pendant plus de 600 matchs, le sympathique Jean-Luc Ettori. Pour commencer, nous lui avons demandé, lui qui vit toujours à Monaco, s'il roulait toujours en deux chevaux dans les rues de Monte Carlo. Réponse juste après le nouveau jingle. C'est pas toujours en deux chevaux à Monaco, ça fait un moment que j'ai plus roulé, mais j'ai roulé longtemps, j'avais toujours deux et demi, je dirais, dans l'état de marche et une... un peu fatigué, mais j'ai toujours deux chevaux. Ouais. Bon, je pense que d'ici quelques temps, je vais la ressortir un petit peu. Et pourquoi la deux chevaux? Pourquoi pas, je dirais. Hein oui. Ben non, parce que bon, c'est une voiture qui m'a toujours plu, j'ai pas fait ça pour me démarquer ou quoi que ce soit, hein. Simplement que c'était... C'est un peu la voiture idéale ici, on peut se garer sur un trottoir, c'est décapotable, donc bon, c'est sympa de rouler en Dodge, quoi. Rouler en Dodge dans la ville des grosses bagnoles et des Formule 1, c'est pas mal. Alors, je sais par ailleurs, Jean-Luc Ettori, que vous n'étiez pas invité samedi dernier aux cérémonies d'Albert, mais est-ce que vous les connaissez bien, les enfants Grimaldi? Albert, par exemple, vous le connaissez? Oui, mais bien sûr, je les connais, et fatalement, parce qu'il y a souvent eu des rencontres officielles, bon, après, des rencontres un peu moins officielles, on a joué au foot ensemble, j'ai eu la chance de jouer avec lui, de participer à certaines choses avec lui, donc... Est-ce qu'il est bon au foot? Drôle de question, je dirais qu'il est pas, il est pas très très bon, mais d'abord, il aime ça, donc on pardonne quand on aime, déjà, et puis, c'est un vaillant. Il joue quel poste? Il joue de latéral en général. Latéral gauche ou droit? Droit. Droit, d'accord. Et il se défend un peu quand même. Ah oui. Bon, même si là, il a laissé un peu de côté le sport. Hein. Oui. La période où il était vraiment prêt physiquement, c'était un rude gaillard, hein, difficile à manœuvrer. Mais en fait, il vient souvent au stade quand même. Hein. Tous les matchs, on le voit. Oui, et... il est fan, il adore le foot. Enfin, il adore le sport en général, mais en particulier le foot. Il aime le foot. C'est un supporter, oui. Oui, il est tout le temps là. C'est le premier supporter de la SM quasiment. Heureusement. Oui. Heureusement que la famille princière a toujours été fan de foot, sinon on ne serait pas là. Albert II en latéral droit et en short, on aimerait bien voir ça. Et sinon, ces frangines, Jean-Luc, vous les connaissez un peu ou pas? J'ai plus fréquenté Stéphanie parce que bon, elle aussi est fan de foot, donc elle vient nous voir. Donc on parle ensemble. Hein. Il y a, sont des gens très... Très proches, finalement. Ouais, enfin, sympathiques. Oui, oui, il n'y a pas d'eau. Il y a de mettre le protocole au vestiaire et ils discutent avec vous comme si c'était des gens comme tout le monde, quoi. Et Régnier, vous le connaissiez bien? Parce que lui aussi, il aimait le club, en tous les cas. Ouais, c'était d'autres rapports. Oui, il a toujours aimé le foot, il a toujours aimé le club. Et c'était quelqu'un qui aimait, comme le prince Albert, hein, il aimait qu'on porte, je dirais, au loin les couleurs de la principauté. Parce que c'est ce qu'il y a de spécial à Monaco, c'est qu'on porte bien sûr les couleurs d'un club, d'une ville, mais d'un pays. Donc, il était très content quand on donnait tout ce qu'on avait pour ses couleurs. C'était Jean-Luc Ettori pour la panique au Mangin Palace. Si vous pouviez lire dans mes pensées, mes vies passées, quelle est ma tasse de thé? N'allez pas en douter, dans l'hôtel déserté, le temps s'est arrêté, un temps compté. Si je pouvais percer vos secrets trop bien gardés, voir dans le marc de café qui vous fait de l'effet les intentions larvées dont l'enfer est pavé vont me tuer. À quoi dois-je imputer vos nombreux apartés? C'est Françoise Hardy dans l'album Le Temps des Souvenirs. Et oui, car Françoise Hardy doit se souvenir qu'en 1963, elle chantait L'amour s'en va et qu'avec cette chanson, elle est arrivée 5e avec 25 points au grand concours de l'Eurovision où elle représentait Monaco, dis donc. Alors pour poursuivre notre incursion à Monaco, à l'heure de l'intronisation d'Albert II, nous t'offrons maintenant une petite balade dans la principauté. Avec une superficie d'à peine 2 km², Monaco est le plus petit pays du monde juste après le Vatican. La densité y est hallucinante, plus de 16 000 habitants au kilomètre carré, un peu comme le métro aux heures de pointe, la mer en plus. Alors, si tu vas à Monaco en caisse, le mieux, c'est de prendre une route mythique. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. La N7 ne passe pas sur le territoire de Monaco. une route nationale française sur un territoire étranger, c'est pas possible. Mais si tu as peur du vide que t'offre la Grande Corniche, tu peux aussi y aller en train à Monaco. Cela dit, fais attention, il se passe des trucs bizarres dans la gare. Oui, la gare de Monaco. Allô ? Oui ? Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est la gare de Monaco ? Oui. Oui, je voudrais le bureau des appels en gare. Des appels en gare, oui, c'est ici. Ah, très bien, bonjour monsieur. Bonjour. La DST, l'appareil, division de surveillance du territoire. Dites-moi, nous avons un agent qui est actuellement dans votre gare. Oui. Il faudrait faire un appel en gare pour qu'il puisse rejoindre sa base. Hein. Alors, c'est à quel nom ? Alors, ben, c'est un agent, hein, c'est donc confidentiel. Hein. Oui. Je vous passe le patron. Hein. Oui. Donc, colonel, nous avons la gare. Oui, mais c'est pour faire un appel. Très bien, je vous remercie. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Voilà, oui. Donc c'est assez urgent. Hein. Oui. Alors, c'est un message codé. Oui. Alors, c'est message personnel. Oui, alors message personnel. La mienne. Comment ? La mienne. La mienne ? Oui. La mienne ? Est plus grosse que la vôtre. Que la vôtre ? Voilà, c'est tout ? Voilà, alors je patiente. Je vais attendre le message. Hein. Oui, d'accord. Message personnel. La mienne est plus grosse que la vôtre. La mienne est plus grosse que la vôtre. Voilà. On patiente, hein. Des conneries comme ça à Monaco. Ah ben tiens. Chef de gare de Monaco, bonjour. Qu'est-ce que c'est ce travail ? Oui, bonjour monsieur. Vous me faites dire des grossièretés là au micro, là ? Non mais ça va pas ? Oui, c'est un DST à l'appareil. Oui, oui, en gare de Monaco, on ne fait pas des trucs pareils, hein ? En gare de Monaco, on ne fait pas des trucs pareils, tu parles. Alors te voici donc arrivé dans la principauté. La balade peut commencer. La ville est coincée entre les Alpes du Sud et la Méditerranée. Pour s'étendre, il a fallu construire sur la mer. Et si ça continue, Monaco va bientôt toucher l'Algérie. Monaco, c'est une bande littorale d'environ 3 km de long sur un rocher où ne poussent que les cactus, les banques et les hôtels de luxe. De Gaulle disait que le mieux pour faire le blocus de Monaco, c'est de planter 200 interdits à chaque extrémité. C'est pas bête. Si tu arrives à Monaco par le boulevard du Lavoto, tu atterris tout de suite à Monte Carlo. C'est à Monte Carlo, le village au pied du rocher, qu'a été installé le casino qui a fait la réputation et sans doute la richesse de la principauté. En effet, à la fin du 19e siècle, le prince Charles III de Monaco a l'idée de développer une activité super lucrative, les jeux d'argent. Charles III fait appel à un entrepreneur de génie, François Blanc, qui avait déjà fait fortune dans les établissements de jeux. François Blanc fonde la mythique Société des Bains de Mer en 1863. Rouge perd, noir perd, mais Blanc gagne toujours, disait-on alors. Avec la mise en place de la ligne ferroviaire Nice-Menton en 1869, le casino de Monte-Carlo connaît un succès grandissant, les grands d'Europe s'y bousculent. Casino. Le casino de Monte-Carlo a été construit en partie par Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. N'aie pas peur, entre dans le casino et avec un peu de chance, tu croiseras Jeanne Moreau à la roulette. Messieurs, faites vos jeux. La première ou la troisième douzaine ? Toujours la première douzaine, si c'est noir. 20 000 sur le 6. 6. 200 000 sur le noir. 200 000 en noir. Noir. Yann ne va plus. Noir pérément. Quand tu sors du casino, poursuis ta balade vers le port. C'est bon de marcher à Monaco. Tout est propre, les gens sont bien habillés et ils ont de gros bateaux. Guitry avait raison, il n'y a pas de riches monégasques parce qu'il n'y a pas de pauvres monégasques. Passe le port et tu arrives alors devant le musée océanographique fondé par le prince Albert Ier, surnommé le prince navigateur, un féru de découvertes passionné par la mer et les océans. Le prince Albert Ier a laissé de ses voyages et de ses explorations à l'autre bout du monde des cartes, un aquarium et une certitude. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. petit petit l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. La maman, petit poisson, elle est bien gentille. Le musée océanographique se trouve à Monaco même, qu'on surnomme le Rocher. Si tu gravis le Rocher, après être passé devant la cathédrale Notre-Dame, bonjour madame, tu te trouves directement... Au marche du palais, au marche du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille, elle attend d'amoureux. Elle attend d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. Le palais princier est issu de la forteresse médiévale construite au XIIIe siècle par les Génois. Contemple de ce palais qui n'a plus de grâce et où Albert va régner. Quitte le rocher et marche vers l'est. Après avoir passé le port de Fontvieille, tu arriveras au jardin exotique, là où il aurait pu se passer beaucoup de choses. Monaco est donc une cité-état, un petit bout de Côte d'Azur autour d'un rocher, une ville cosmopolite où il y a plus d'étrangers que de monégasques. À Monaco, tu croises de tout, des mafieux russes et de vieux aristocrates, des rombières et des croupiers qui ont tous un point commun, ils se retrouvent autour de la roue au casino. En Bogotá, la gozan en La Habana y también en Panamá. La rueda de casino para poderla bailar, ambiente y alegría tú tienes que demostrar. Rueda de Casino, interprété par le Colombien Yuri Buenaventura en hommage à une danse cubaine des années 50 qui se pratiquait dans les casinos de la côte. À Monaco, dans les casinos aujourd'hui, tu danses surtout au rythme du Bolshoï. Alors, pour poursuivre notre voyage sur la planète monégasque, il est grand temps maintenant de retrouver notre couple princier, nos deux altesses sérénissimes, les incroyables Monique et Jean-Claude. Avant tout, il faut savoir qu'au début des années 80, Jean-Claude a vécu un moment incroyable. Jean-Claude tenait alors la buvette du cirque Pinder. Pourquoi cette précision ? Tout simplement parce qu'à l'époque, le prince Albert avait repéré chez Pinder un spectacle de trapézistes manchots qu'il voulait inviter au Festival international de Monaco. Et figure-toi qu'en 1984, Jean-Claude a rencontré le prince Albert autour d'une bière grenadine et ils ont échangé quelques mots. D'après lui, ils étaient presque devenus amis. Du coup, quand il a appris que le 19 novembre, Albert serait intronisé, il a proposé à Monique de filer à Monaco pour passer le week-end et tenter d'approcher le nouveau souverain. Ils ont donc pris la caisse, les mômes chez mamie et direction le sud. Monique est ravie, peut-être va-t-elle enfin rencontrer une idole de ces années 80. Elle est toute excitée, elle est... Jean-Claude, lui, n'était jamais allé plus au sud que Clermont. Aussi, quand ils arrivent à Monte-Carlo, il n'en croit pas ses yeux. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Jean-Claude est fou de joie, il va revoir son pote Albert. Nous sommes vendredi. Début d'après-midi, Monique et Jean-Claude ont posé une RTT et ont trouvé un hôtel dans leur budget, réservé il y a déjà plusieurs semaines. Une fois installée dans leur chambre, Monique veut absolument profiter de la douceur du climat et de la mer d'Azur. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Il fait tellement beau qu'ils ont même enfilé un maillot de bain. À tel point que le Jean-Claude en devient torride sur la promenade front de mer de la princesse Grace. Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. C'est chaud bouillant. Mais Jean-Claude ne pense qu'à une seule chose, revoir Prince Albert. La fin de la journée s'approche et ils doivent se changer pour aller dîner au Café de Paris et assister ensuite au feu d'artifice donné en l'honneur d'Albert. Le spectacle est géant, le final est magique. Mais Jean-Claude n'a toujours pas revu le prince. Après, nos deux héros ont décidé d'aller flamber un peu de thunes au Grand Casino. Monique et Jean-Claude n'y connaissent pas grand-chose au jeu et un habitué des lieux, Igor, repère immédiatement les deux pigeons à qui il veut expliquer les règles. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit carte, puis on les cartes. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Jean-Claude n'est pas dupe et préfère s'éloigner de la table du poker pour aller siroter une bière grenadine tranquille au bar du casino. Monique, elle, s'amuse comme une folle et engloutit ses pièces dans un manchot. Accoudé au bar, Jean-Claude est désespéré car il n'arrive pas à trouver un moyen pour rencontrer Albert. Il discute au comptoir avec un homme assez élégant à qui il raconte son histoire. L'homme en question, lui, est un proche de la famille Grimaldi. Enfin, il explique à Jean-Claude que c'est une histoire compliquée. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Caroline. En gros, cet homme fut proche de Caroline quand ils avaient 20 ans. Depuis, il s'est fait jeter par la dynastie, trop roturier. Mais toujours est-il que cet homme étrange est invité, lui, aux cérémonies de demain. Jean-Claude veut absolument y aller pour saluer Albert, mais l'étranger lui explique bien entendu qu'il est impossible que Jean-Claude soit invité. Par contre, il veut bien transmettre un message au prince Albert de la part de Jean-Claude. Jean-Claude retrouve alors Monique qui a cramé deux salaires dans la machine à sous. Mais emporté par l'euphorie de sa rencontre, Jean-Claude s'en fout. Il sait que Prince Albert va avoir de ses nouvelles. C'est génial, peut-être même l'occasion de le revoir, même juste une fois. Sors-moi donc Albert, amène-moi voir des choses. Sors-moi donc de la maison, éloigne-moi des enfants. Juste un soir Albert, au restaurant du centre ou au concert en ville, tous deux tout seuls. Une fois. Le lendemain, Monique et Jean-Claude assistent au milieu des résidents monégasques au sacre d'Albert. Le soir même, Jean-Claude veut absolument retourner au bar du casino. Peut-être croisera-t-il à nouveau cet homme qu'il a rencontré hier soir et qui lui a dit connaître Albert. Monique, elle, est d'accord, elle veut se refaire. Jean-Claude patiente au bar, il s'est déjà enfilé 3 litres de bière grenadine, mais pas de nouvelles à l'horizon. quand tout à coup, vers 3 heures du matin, il aperçoit son lascar. Jean-Claude veut savoir, alors ? Et le type lui répond. Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, toi le bonjour d'Albert, le gros bébé. Jean-Claude est aux anges. Prince Albert s'est souvenu de lui. Jean-Claude hurle de joie et tournée générale de bière grenadine pour tout le monde. Monique, elle, en est à 4 salaires engloutis. Du coup, elle aussi a commencé à picoler, mais des vodka pommes. Elle titube sévère et se dirige fissa vers les toilettes. Où, incroyable, elle tombe nez à nez avec Steph de Monac qui a préféré sécher la fin de l'opéra de Rossini pour venir fêter seule l'intronisation de son frère dans la boîte disco qui se trouve sous le casino. Monique est au bord du collapse, mais décide tout de même d'approcher la princesse. Stéphanie a l'air malheureuse et Monique s'en inquiète. Steph de Monac se confie à Monique. Monique est bouleversée par la détresse de la princesse. Elle aimerait l'aider, mais ne sait que faire. Steph demande alors à Monique ce qu'elle fait à Monac. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai fait à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards, je cherche un millionnaire. La princesse, toujours pleine de bon sens, lui répond que l'argent ne fait pas le bonheur. Elle en sait quelque chose. Monique se dit qu'elle a trop bu et qu'il ne faudrait pas agrémenter la sublime tenue de Stéphanie d'une queue de renard. Monique préfère lui dire au revoir pour retrouver ses esprits et son Jean-Claude. Il est déjà 5 heures du matin quand Monique et Jean-Claude rentrent tous les deux à l'hôtel. Jean-Claude raconte en long, en large et en travers sa discussion avec cet inconnu dont il connaît même pas le prénom. Monique préfère oublier de lui dire qu'elle s'est faite plumer par les manchots. On verra plus tard. Si en plus elle lui dit qu'elle a rencontré la sœur d'Albert, Jean-Claude va se vexer. Monique et Jean-Claude reprennent la route. Ils quittent Monaco qui devient minuscule au pied de la corniche. Nos deux héros prennent la Nationale 7 vers le nord, vers la neige, vers le froid. En plus, Monique a tout perdu au casino, c'est la misère. Jean-Claude pousse un cri. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Mais bon, Jean-Claude est plutôt content de ce week-end en amoureux à Monaco. Il imagine déjà tout ce qu'il va pouvoir raconter demain au bureau à tous ses collègues. Monte Carlo. La nuit, le jour du Saint-Ille, Monte Carlo, dans le décor le plus beau. Oh, oh, oh. Monte Carlo, avec tes fleurs et tes filles. Monte Carlo, c'est la fête au bord de l'eau. Monte Carlo. Monte Carlo, c'est l'amour à fleur de peau. Oh, oh, oh. Monte Carlo, c'est le pays de la chance. Monte Carlo, le tourbillon des bancos. Monte Carlo, c'est la chanson du bonheur. Et dans les échos, font chavirer tous les cœurs. Monte Carlo. Monte Carlo, chanson idoine pour un dimanche matin, interprétée par Georges Guettari en 1981. Monte Carlo, chanson idoine pour cette émission. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur de la planète monégasque couleur bière grenadine limonade. De l'intronisation d'Albert aux frasques de Stéphanie, du palais sur le rocher au casino de Monte Carlo, de Monique à Monac, nous t'avons dressé une carte postale de la principauté, un pays un peu moins petit que le Vatican. Alors, c'est quoi Monaco ? C'est qui les Monégasques ? Eh bien, c'est un pays et une ville à la fois où la plupart des résidents sont étrangers. Enfin, comme disait Guitry, Monaco, ce n'est pas une ville étrangère, c'est une ville pour les étrangers et tant qu'à faire, blindée d'oseille. D'ailleurs, Monaco, c'est quelque 340 000 comptes en banque pour 32 000 habitants seulement, autrement dit en moyenne 10 comptes bancaires par personne. Par ailleurs, Monaco a souvent été qualifié de principauté d'opérette et ce n'est pas tout à fait faux. Monaco, ça fait un peu décor en carton-pâte de studio hollywoodien. Les sourires ultra-bright, un monde aseptisé, bref, un véritable parc d'attractions pour millionnaires. Monte Carlo, c'est aussi une destination touristique incontournable. Dis, t'as déjà vu Monte Carlo ? Dis, t'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu Monte personne. Dis, t'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu Monte personne. Dis, t'as vu Monte Cristo ? Donc, t'as vu monter personne. Annie Cordy n'a vu monter personne. Voilà, fin du 12e épisode. C'était « C'est quoi Monaco ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Ce Badir Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda alias H2M, le génial Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui de Bertrand Durand et de Christophe Papon, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, merci beaucoup Amel. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maud Lomnitz et Caroline Chausset, documentaliste Alina Mangin. Merci beaucoup à Catherine Pinto aussi, jeune stagiaire très efficace. Pour toutes les infos complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien.